Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la 9e d'Empiste les artistes, votre émission consacrée au spectacle vivant. Aujourd'hui, nous allons retourner faire un petit tour du côté de Festi Magie à Lalande. J'ai donc réalisé une interview téléphonique, c'est pourquoi je vous prie de m'excuser par avance pour la qualité, du magicien Arsène, qui se produira le 25 mars à 20h au Centre socio-culturel de Lalande. Arsène, bonjour. Bonjour Emmanuel. Donc tu vas nous parler d'un spectacle que tu vas jouer à Toulouse le 25, si je dis pas de bêtises. Non, tu... Exactement. Donc le 25, dans le cadre de Festi Magie à Lalande. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle qui s'appelle « Il est fou, Arsène ». C'est un spectacle d'une petite heure, un petit peu moins, parce qu'à mon âge, une heure, je ne tiens pas la route, donc il doit faire 55 minutes. Passer les 55 minutes, il faut un défibrillateur, il faut des équipes de place pour me réanimer, donc ce n'est pas envisageable, pour toute la place, surtout pour questions budgétaires. Donc c'est un spectacle qui dure une toute petite heure, qui est un spectacle d'empreinte cabaret, voilà. Que j'ai, même si maintenant je suis en sud-ouest de la France, j'ai vécu plus de 40 ans à Paris et donc j'ai travaillé plus de 20 ans dans les cabarets parisiens, voilà, autant Camus dans tout un tas de cabarets. Et en cabaret, voilà, il y a un ressort commun un petit peu à tous les artistes, c'est qu'on s'appuie énormément sur le public. Voilà, on ne fait pas de narratif, on ne raconte pas d'histoire, on s'appuie énormément sur le public, voilà, c'est très, très interactif, on essaye de faire participer un maximum voilà, ceux qui sont venus pour nous voir. Donc c'est un spectacle de magie, mais un petit peu décalé. Qu'est-ce que voilà. Tu entends par décalé pour le coup? Disons que l'image du magicien un petit peu classique n'est pas du tout le créneau dans lequel je me suis inscrit. Moi je ne devais pas être magicien, je devais être psychologue, tu vois, et donc quand j'étais étudiant en psychologie, j'ai un de mes maîtres, un de mes professeurs de psycho était magicien, et lui était d'une formation très classique. Et à l'époque, quand on voulait être magicien, on était encore dans une dimension assez classique où on devait prêter serment, être parrainé. Il y avait tout un protocole qui était assez classique. Donc j'ai eu cette formation au début et très vite. Je me suis un petit peu détaché de ce côté cut-piece, smoking, et qui était très bien, hein, mais qui correspondait finalement pas trop à qui j'étais. Donc voilà, quand on est sur scène, on essaye très vite de savoir un petit peu ce qu'on a envie de raconter, et puis aussi à quel endroit on se sent à sa place. Et puis moi, à ma place, c'était, même si je suis magicien, je n'arrive pas à être très sérieux et à... Et ce que je vais faire va être très impressionnant. J'avais surtout envie d'amuser, de surprendre. Et voilà, donc c'est le chemin que j'ai choisi. Parce que quand j'étais en cabaret, j'avais 22 ans, j'étais très jeune. Je passais après des artistes qui avaient 20 ou 30 ans de métier, qui avaient beaucoup de bouteilles, qui avaient 50 ans. Et mon public qui était un public de quadragénaire, qui faisait des sorties d'entreprise et autres. Donc c'est très compliqué de trouver sa place. Et l'angle que j'ai choisi, et en tout cas qui s'est imposé à moi, c'est, voilà, c'est pour créer le rire, en tout cas d'essayer de susciter, il faut surprendre, et pour surprendre, voilà, essayer d'être à un endroit où les gens ne nous attendent pas. Donc créer un principe de décalage. On vous annonce un magicien, donc on s'attend à un archétype, et puis finalement la personne qui est en face de nous a un petit peu autre chose à raconter que ce à quoi on s'attend. Donc il y a une surprise et du coup possiblement un rire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas de la magie, c'est de la magie un petit peu décalée en dehors des sentiers connus. Hein, voilà. Alors ça me fait penser un petit peu au spectacle de Bruno Viti, que j'avais aussi interviewé, qui me disait que ouais. Lui, sa base de travail, c'était la magie, on va dire, théâtrale. C'était un petit peu la théâtralisation de ses effets. Est-ce que toi, c'est un petit peu pareil ou c'est encore autre chose? Alors, moi, j'ai pas le talent de Bruno en matière de théâtralisation, parce que je sais que je le connais, Bruno. Il travaille très bien. Non, moi, c'est complètement minimaliste. Il n'y a aucune revendication théâtrale. j'ai pas du tout les épaules pour porter ça, et puis je crois que j'ai pas la curiosité non plus, ou c'est pas mon univers, non, je non, c'est pas théâtral pour deux sous, non, j'ai une caisse à outils, et avec ça, je fais 40, 50, une heure, enfin, voilà, j'essaye de, je crois que ça passe par le verbe, avant tout, plus que par la mise en scène. C'est pas une mise en scène, elle est déplorable, ma mise en scène. Surtout, ne venez pas voir mon spectacle pour la mise en scène, vous allez vous ouvrir les veines, vous immoler par le feu. Hein. Vous êtes très déçus. La mise en scène est lacunaire. Non, non. Ou à la rigueur, venez, comme ça vous me donnerez des conseils. Ça serait très bien. Donc voilà, c'est pas théâtral. Non, pas du tout. Et pour le coup, est-ce que tes différents numéros sont déjà pré-écrits à l'avance? Est-ce que le texte que tu vas dire sur scène, c'est quelque chose qui est déjà écrit? Ou est-ce que c'est plus de l'impro? C'est forcé de constater, parce que j'ai côtoyé du coup énormément d'artistes, que ce soit des artistes visuels qui font des numéros de jonglerie, de main à main, ou des artistes qui ont choisi le verbe. On a tous besoin d'une colonne vertébrale extrêmement structurée et solide. Et donc, que ce soit en musique, pour les visuels ou en parler, non, les visuels n'ont aucune part d'impro, parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont calés sur la musique, et nous, enfin, après, tout dépend des écoles, mais l'école du cabaret, c'est l'école du rythme. C'est voilà, quand on passe en plein plat chaud, ou au moment où les serveurs retirent les assiettes pour servir le café, si le numéro est pas rythmé, s'il n'y a pas une cadence, le public décroche. Et pour qu'il y ait cette cadence et ce rythme, il faut que le numéro soit écrit, il faut qu'il soit millimétré. C'est très important. Maintenant, à partir du moment où on a une colonne vertébrale solide, donc finalement un texte écrit, pour répondre à ta question, on peut se permettre de partir un petit peu en impro quand le public nous propose quelque chose ou que on a envie tout d'un coup de s'essayer parce que je sais pas, il y a une réaction dans la salle ou autre. Bon, mais si tu veux, on n'est pas du tout dans la trame d'un spectacle d'impro. C'est pas du tout ça. Nous, on est formaté cabaret. C'est en tout cas mon école et le cabaret, c'est l'école de l'efficacité. Les patrons de cabaret nous demandent à nous artistes parfois de faire passer un mauvais repas, ou en tout cas si le repas est bon, que les gens partent aussi avec l'idée d'avoir passé une bonne soirée. Donc, il ne faut pas des artistes il ne faut pas que les artistes présentent des spectacles inégaux en qualité d'un soir sur l'autre. Ça veut dire qu'il faut finalement une trame très solide et il faut que à la minute 12 y ait tel rire parce qu'on sait qu'il y a ça, etc. Donc c'est très structuré. Tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé, que ce soit des ventriloques, des chansonniers, des imitateurs, eux revoient un petit peu plus facilement leurs copies parce qu'ils essayent des voix, etc. Mais tout est écrit. Pour tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé, tout est écrit. Tout. Et j'ai des artistes que je côtoie encore en gala qui ont 40 ans de métier et qui ont les mêmes numéros. Tous les 10 ans, ils rajoutent 5 minutes, etc. Et ils mettent des années avant de les mettre en place. C'est très, très, très long. Mais non, donc voilà. Tout est écrit. En revanche, le public, quand on est encore amoureux de notre métier, on a cette fraîcheur sur scène, même si ce numéro, on l'a fait des milliers de fois. Donc le public le sent pas. Et on a aussi la latitude et la liberté de proposer des parties improvisées par moment. C'est un petit peu long comme réponse, Emmanuel. Je suis désolé, c'est l'âge. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est très intéressant parce que ça me fait penser à quelque chose, justement. Comment est-ce que tu vis, justement, le fait de présenter ce spectacle, non pas en cabaret, mais dans une salle de spectacle plus classique, si j'ose dire? C'est du velours. Ben, tu sais, quand tu as travaillé à des cabarets, avec mes petits camarades de jeu, on en faisait entre deux ou on faisait 7 sur 7, on travaillait tous les soirs. En début de semaine, on faisait 2 cabarets dans la soirée et on finissait jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 5-6 cabarets par soir. Donc c'était une course effrénée devant un public pas forcément facile, un public désinhibé à cause de l'alcool, un public en groupe donc qui est fort. Et donc, voilà. Et un service à gérer, des serveurs, etc. Et en plus, un timing à respecter parce qu'il ne faut pas dépasser, sinon tu mets tes collègues dans le jus. Et puis toi, enfin, tes autres patrons de cabaret qui t'attendent, tu les mets dans la mouise aussi. Donc, il y a tout un tas de paramètres à gérer qui sont pas stressants parce qu'on a l'habitude, mais qui ne sont pas de l'ordre du plaisir. C'est. Voilà. Donc, après, on le gère avec l'expérience. Tout ça pour dire que quand on sort des cabarets, où il y a tous ces paramètres à gérer et des gens qui ne viennent pas forcément pour toi et des gens en plus qui sont en train de dîner et que tu arrives dans une salle comme tu le dis, certes plus classique mais c'est du velours pour nous, c'est la récompense, tu vois, c'est rien n'est acquis mais les conditions sont tellement plus faciles, simples, tu vois, c'est ça, les c'est gens sont assis en rang d'oignon, ils sont silencieux, ils sont demandeurs, il n'y a pas des bruits de couteau, de fourchette, de verre qui tombe, un caisse ou l'air à 8, etc. C'est un repos de l'âme. Mmh. C'est très agréable. Et pour autant, tu peux présenter la même chose qu'en cabaret, si tu veux. C'est un spectacle qui a les ressorts du cabaret, mais qui est adaptable à toute salle de spectacle, que ce soit de l'événementiel devant 2000 personnes en convention dans un amphithéâtre ou un dîner spectacle en soirée privée ou un théâtre. Finalement, après, on est tout terrain. Donc c'est bien plus agréable pour nous d'être dans un théâtre ou une salle. Et c'est ça, les gens sont vraiment venus pour ça, en fait. Ils sont pas venus pour autre chose. Dans le contexte, là, dans lequel je vais jouer dans une semaine, les gens viennent pour ça en effet. Maintenant c'est bon. J'ai beaucoup d'agents qui me font travailler partout en France dans des contextes privés, événementiels où les gens ne viennent pas pour moi. Hein. Mais c'est pas grave puisque toute ma vie j'ai travaillé dans ce contexte-là pour des personnes qui ne viennent pas pour moi. Ça ne me dérange pas et finalement le cabaret t'apprend à être très présent et très investi sur scène, mais très en distance de ce genre d'affect. Tu viens pas sur scène en te posant des questions, en disant ils viennent pas pour moi, ils sont en train de manger, ici, ça. Sinon t'es fissuré, t'es fragile, tu peux pas monter sur scène dans ces conditions-là. Donc tu dois être plein d'énergie, plein de ressources, mais pas du tout dans le questionnement, le doute, l'atermoiement, tu dois être très très fort sur tes bases. Donc l'école du cabaret rend très fort, très très fort, beaucoup plus que l'école du café-théâtre, tu vois, où c'est beaucoup plus facile. Le cabaret c'est voilà, à l'instar de la rue, c'est difficile aussi. D'accord. Donc voilà, ça permet d'être vraiment très adaptable après. Et les personnes qui m'ont parlé de ton spectacle, plusieurs personnes au sein de l'amicale Robert Houdin, m'ont dit que c'était un spectacle avec un humour particulièrement décapant. Ah, écoute, je vais en parler à mon psychiatre. C'est possible, je sais pas. Je j'essaie toujours de respecter le public. Mmh. Je pense pas. Je ne suis pas méchant. Je pense que la qualité, en tout cas la recherche première de l'artiste sur scène dans ce qu'on maintenant on appelle le stand-up, j'aime pas ces anglicismes, mais bon, ou en tout cas un spectacle un petit peu interactif, etc. La recherche avant tout de l'artiste doit être le respect et la gentillesse. Parce qu'on va possiblement brocarder un peu, secouer gentiment deux, trois personnes, mais il faut que ça reste respectueux. Donc pour moi, on touche pas au physique, on touche pas, on agite un petit peu, il faut qu'après on valorise, voilà. Quelqu'un dans la salle et a fortiori quelqu'un sur scène, je parle de quelqu'un qu'on fait monter sur scène, est pris en otage, est fragile, et il faut être très respectueux de ça. D'abord parce que la personne n'a rien demandé, elle n'est pas venue pour ça, et en plus parce que c'est très facile d'animer, de casser, pour avoir un rire pas toujours de bonne qualité. Donc voilà, si on va secouer un petit peu, voilà, faut rester vraiment, pour moi, très respectueux et gentil. Maintenant, décapant, c'est possible, oui, je, enfin, voilà, je sais pas, j'ai pas de recul là-dessus, je sais que j'ai essayé de monter un numéro, personnel, original, en tout cas, voilà, sans me dire, je vais piquer des textes à droite, à gauche, même si en magie, comme dans les imitations, on va s'appuyer sur des choses que emprunter un objet dans la salle, faire monter quelqu'un sur scène, il y a des ressorts qu'on retrouve. Mmh. Emprunter un billet de banque, bon, voilà. Maintenant, tout le papier cadeau, la façon dont on va articuler notre scénario autour de ça, pour moi, doit être personnel. Quand on monte sur scène, on doit présenter quelque chose le plus possible à soi. Sinon, on n'est pas légitime, pour moi. Donc, mon univers, c'est pas un univers peut-être consensuel, mais bon, j'essaye de respecter quand même avant tout le public, et donc que les gens se disent pas en sortant, bon, lui il est caustique et méchant, ou il est, bon, je pense que, bon, voilà, je suis pas fait de lapider encore, mais peut-être à toute raison, je ne sais pas, une grande première. Mais ce que tu dis est très intéressant, ça me fait penser justement à quelque chose, j'en discutais avec d'autres magiciens, qui me disaient que justement c'est très très dur de réussir à la fois de se moquer un petit peu d'un spectateur et en même temps de le valoriser. Et un exemple assez connu, celui d'Éric Antoine, pour le coup, qui est assez en vogue en ce moment. Écoute, mon Éric, c'est un pote, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a du talent et qui, bon, à force de... Il a beaucoup bossé, donc il est où il est. Voilà, il a un personnage, il a beaucoup travaillé, je l'ai vu à ses débuts. Bon. Donc, bon, voilà, son univers, ce n'est pas le mien, même si il travaille aussi sur, le même angle, à savoir une forme de décalage, mais... voilà, tout ça pour dire qu'être artiste, j'ai pas le même univers que lui, donc si je fais monter quelqu'un sur scène, je peux le bouger un petit peu, mais je sais que j'irai moins loin que lui. Mais je dis pas que c'est mal, hein, de le faire. Mmh. Moi je serais pas à ma place, je serais pas bien. Bon, tu vois, je sais que je serais mal à l'aise. Et je le vendrais mal, et voilà. Alors que lui, peut-être que certains peuvent dire que parfois il va trop loin, je sais pas, je suis pas au fait de ça, mais bon, je sais qu'il a un grand succès, donc il reste, on sent que c'est un gentil, donc même s'il pousse parfois le bouchon, on sait que dans le fond il est sympathique, et ça permet de cautionner et d'absorber aussi un petit peu tout ça. Il y en a qui peuvent se permettre beaucoup moins de choses et qui pour autant renvoient une image de personne agressive, un peu aigre, ce qui n'est pas du tout le cas chez lui, parce qu'il y a une espèce de bonhomie, ce physique un peu gargantuesque. Donc voilà, on pardonne bien volontiers parce qu'on sait qu'il est gentil dans le fond, selon moi. Mais écoute, merci beaucoup Arsène pour ces précisions. Donc je rappelle ton spectacle, Il est fou Arsène, spectacle tout public à partir de 10 ans. Alors, c'est indiqué. Oui, alors tout public, tout à fait, vous êtes les bienvenus. Je fais souvent des festivals dans le cadre desquels il y a des enfants. Maintenant, c'est un spectacle, voilà, 10 ans, 12 ans, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez des enfants de 5-6 ans, ne vous dites pas, on va voir un magicien avec un univers adapté. Oui. Voilà, je parle de toucher rectal, je pense pas qu'à cet âge-là, il y ait des... Oui, d'autres choses aussi, hein, d'autres choses. C'est un tour de ça, mais voilà. Voilà, il vaut mieux que vous les emmeniez aux marionnettes ou même voir le spectacle d'un célèbre journaliste toulousain, Emmanuel, je crois, qui est en train de parler, qui présente de très beaux spectacles pour les enfants. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, j'aime beaucoup les enfants, mais mon univers n'est pas forcément adapté à un public de jeunes enfants. Voilà, maintenant... Ben, merci pour la petite précision, oui. Je te remercie, Emmanuel, d'avoir pris tout ce temps pour parler avec un vieux monsieur. vieux comme moi. Merci à toi. Dans l'émission, la petite tradition maintenant veut que ça soit l'invité qui choisisse la musique de fin de l'émission. Donc je te laisse choisir une chanson qui te passe par la tête, ce que tu veux. Eh bien écoute, je dirais, il y a un artiste avec lequel j'ai beaucoup de mal, mais qui m'a plu sur une chanson, c'est Christophe Maé, Il est où le bonheur ? Je pense que ça, cette période difficile, compliquée, n'oublions pas que voilà, on a, les fondamentaux sont là, on a toi, on est, voilà, moi j'essaie de me raccrocher aux choses terriennes, un petit peu paysannes, la santé, des choses comme ça, nos proches, et ne passons pas à côté du bonheur, et c'est ce que je me dis le matin, tout va bien, et le bonheur il est en ce moment, alors profitons, tant que tout va bien, merci, c'est un cadeau, donc le bonheur, il est, quand tout va bien, il est là, il est maintenant, il est avec Emmanuel à la radio, il est en ce moment. Je vous rappelle que dans le cadre de Festimagie à la Lande, différents ateliers d'initiation à la magie sont proposés aux plus jeunes, à savoir les Tremplins Magic Kids et Backstage, l'envers du décor, proposé par le magicien Alsen, à ne pas confondre avec Arsène, avec qui nous venons de nous entretenir. Cette semaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de rubrique littéraire. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que j'ai manqué un petit peu de temps cette semaine pour la préparer, et je préfère me dire qu'il n'y en aura pas cette semaine plutôt que de vous présenter quelque chose que je n'aurais pas suffisamment travaillé. Et oui, En piste les artistes, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons dès vendredi prochain, toujours à la même heure, 18h. Pour cette émission, je souhaite bien entendu remercier le magicien Arsène, qui a accepté de répondre à mes questions, et bien entendu, comme toujours, dans le cadre des interviews que je fais pour Festimagie, Laurent Bastide, qui a permis que l'on puisse se rencontrer et échanger par téléphone. Je souhaite bien entendu remercier l'ensemble de l'équipe de Radio Montmirail, et bien entendu, vous qui écoutez cette émission. Comme toujours, si vous souhaitez m'envoyer quelques remarques concernant cette émission ou sur toutes les autres, ou pour me suggérer éventuellement des événements dont je pourrais parler dans l'émission, n'hésitez surtout pas à me contacter par email à l'adresse emmanuel@gmail.com. Je ne manquerai pas de vous lire et de vous répondre. Je me permets également de passer une petite annonce. C'était la première fois pour moi que je réalisais une interview téléphonique et pour ne rien vous cacher, je trouve que la qualité n'est pas extraordinaire en termes de son. Donc si vous avez des suggestions de ce côté-là, je suis preneur, donc toujours à la même adresse mail, emmanuel.fitou@gmail.com. Selon les souhaits du magicien Arsène, nous allons nous quitter avec la chanson de Christophe Maé, « Il est où le bonheur ?» Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et nous nous retrouvons donc dès vendredi prochain. Il est où ? Il est où ? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël.